Chapitre 8 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouin. Essais par Michel Ekem de Montaigne, livre 1, chapitre 8. De l'oisiveté. Comme nous voyons des terres oisives, si elles sont grasses et fertiles, foisonnées en 100 000 sortes d'herbes sauvages et inutiles, et que, pour les tenir en office, il les faut assujettir et employer à certaines semences, pour notre service. Et comme nous voyons que les femmes produisent bien toutes seules des amas et pièces de chair informe, mais que pour faire une génération bonne et naturelle, il les faut en besogner d'une autre semence. Ainsi est-il des esprits. Si on ne les occupe à certains sujets, qui les brident et contraignent, ils se jettent déréglés, par-ci par-là, dans le vague champ des imaginations. Sicut aquae tremulum labris ubi lumen agenis, sole repercussum aut radiantis imagine lunae, omnia pervolitat, late loca, iamque sub auras, erigitur, sumique ferit lacvearia tesit. Et ni folie ni rêverie qu'ils ne produisent en cette agitation. Velut aegri somnia, vanae finguntur species. L'âme, qui n'a point de but établi, elle se perd. Car, comme on dit, c'est n'être en aucun lieu que d'être partout. Quisquis ubi qui habitat, maxime, nusquam habitat. Dernièrement, que je me retirai chez moi, délibérer autant que je pourrai, ne me mêler d'autre chose que de passer en repos, et à part, ce peu qui me reste de vie. Il me semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit que de laisser en pleine oisiveté, s'entretenir soi-même, et s'arrêter et rasseoir en soi. Ce que j'espérais qu'il pût mes yeux faire plus aisément, devenu avec le temps plus pesant et plus mûr. Mais je trouve, variam semper dant otiam mentem, qu'au rebours, faisant le cheval échapper, il se donne 100 fois plus de carrière à soi-même qu'il ne prenait pour autrui, et m'enfante tant de chimères et monstres fantasques les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pour en contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté, j'ai commencé de les mettre en rôle, espérant avec le temps lui en faire honte à lui-même. Fin du chapitre 8.